Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous bien que vous auriez pu être Œdipe. S'il y a un être qui, sur la Terre, incarne la tragédie, autrement dit le malheur inéluctable, c'est bien ce personnage de la mythologie grecque. Gardons-nous d'appeler jamais un homme heureux, comme le dit Sophocle dans cette tragédie. Œdipe a toujours fasciné les hommes, d'Aristote à Michel Foucault, en passant bien sûr par Freud, parce qu'Œdipe met notre Schadenfreude en transe. Avec Œdipe, on se réjouit doublement du malheur des autres, parce que l'on sait que ça va mal se terminer, mais on ne sait pas très bien comment. Alors par quel chemin Œdipe va-t-il réussir à échouer ? Je vous rafraîchis la mémoire. Œdipe est le roi de Thèbes, normal. C'est le fils de Laïos et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. Ce qu'il est moins, c'est l'oracle qui accompagne sa naissance. Cet enfant, dit-on, tuera son père, couchera avec sa mère. Pour éviter que le destin ne se réalise, l'enfant est abandonné aux bêtes sauvages. Oui, mais voilà, on ne fait pas sa part au destin. Alors qu'il se rend à Delphes pour consulter la Pythie sur le secret de sa naissance, un vieillard, conduisant un char, lui demande de s'écarter. Œdipe s'énerve et le tue. Il vient d'assassiner son père. Arrivé à Thèbes, il libère la ville du terrible sphinx et pour le remercier, les Thébains le font roi, le marie avec la reine, c'est-à-dire avec sa mère. Alors la malédiction se réalise. Thèbes est ravagée par la peste. Œdipe cherche qui est responsable de l'épidémie maudite. Il n'imagine pas que c'est lui-même. Le nom du coupable est dévoilé. Et alors Jocaste, la mère d'Œdipe, réalise avec qui elle est mariée. Elle se suicide, tandis qu'Œdipe se crève les yeux et renonce au trône. Les hommes ne devraient pas trop se réjouir du malheur d'Œdipe, car il incarne le malheur qui frappe tous les hommes, autrement dit le déterminisme. Nous nous rêvons libres, autonomes. Et hélas, notre horizon est entravé par des mécanismes qui nous dépassent, Dieu pour les uns, l'inconscient pour les autres. Finalement, la seule liberté d'Œdipe, c'est de se crever les yeux lorsqu'il se découvre prisonnier de son terrible destin. Les interprétations de ce mythe sont légion, mais pour l'une d'elles, Œdipe est puni pour son hubris, pour sa démesure, avoir pensé pouvoir être l'égal des dieux en connaissant notamment son destin. Pour Michel Foucault, ce n'est pas qu'Œdipe en sait trop, c'est qu'il sait mal. Son savoir est fragmentaire et la pièce de Sophocle incarne justement ce moment d'affrontement pour la pensée occidentale de tous les types de savoir. Et maintenant, bonne journée, puisque vous n'êtes pas Œdipe.